Bosco, d'Ouiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 janvier 2017. Voici les grands titres de cette édition. La régie de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, annonce une diminution remarquable de livraison du courant à partir de mars prochain. D'après le constat de baisse du niveau d'eau fait ce mardi au principal barrage de Rwegura, avec la production d'énergie qui est passée de 18 MW à 4 MW, le délestage sera inévitable. Reportage dans ce journal. La Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, la LDGL, salue la mesure de grâce présidentielle qui rétablira au cours de cette année 2500 prisonniers dans leur droit. La LDGL demande aussi que les agents de l'État qui arrêtent injustement les citoyens en violation flagrante des textes et lois en vigueur puissent répondre de leurs actes. Et un policier du commissariat d'Ongozi a été arrêté ce matin. Il est poursuivi dans l'affaire d'attaque, pourtant niée par le porte-parole de l'armée, contre le camp de Mukoni à Muyinga la nuit de lundi à mardi. Et c'est pour rechercher d'autres suspects qu'une fouille a été effectuée dans le site de Moutao ce matin, d'où sont originaires six des présumés auteurs de l'attaque. Ils ont été arrêtés hier même. Et le président gambien Adama Barrow a demandé le maintien de la MISEGA, la mission de la CDAO en Gambie. Avec le départ de Yahya Jammeh, son mandat a de facto expiré. Mais la CDAO étudie comment prolonger ses forces sur le terrain afin de soutenir l'installation du nouveau gouvernement en toute sécurité. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, LDGL, salue la mesure de grâce présidentielle qui rétablira au cours de cette année 2500 prisonniers dans leurs droits. Selon cette organisation, il s'agit d'une initiative qui permet de désengorger les prisons burundaises qui sont sursaturées et d'améliorer le climat social et politique dans le pays. Dans une déclaration rendue publique, la LDGL demande au gouvernement burundais de tenir un discours qui facilitera leur réintégration dans la société et de garantir leur sécurité. La LDGL demande aussi que les agents de l'État qui arrêtent injustement les citoyens en violation flagrante des textes et lois en vigueur puissent répondre de leurs actes. Elle recommande aux citoyens burundais d'accueillir ceux qui recouvrent leur liberté conformément aux valeurs d'Ubuntu qui caractérisaient nos ancêtres. Je venais de vous le dire, la police accompagnée de l'administration et des représentants du ministère de la Justice en commune Moutao de la province Gitega a effectué le matin de ce mercredi une fouille et perquisition au site de déplacés de Moutao. Selon l'administrateur de Moutao, Denis Nyomuhani, aucune arme n'a été trouvée et indique que le motif de cette fouille est que parmi ceux qui ont été arrêtés dans l'attaque contre le camp militaire de Mukoni en province de Muyinga, six sont originaires de ce site. Il est 13h à Bujumbura. Les Burundais opérant dans le domaine de la santé sont appelés à faire connaître leurs produits au cours de la 6e conférence sur la recherche scientifique en santé dans les pays de la communauté africaine qui se tient à Bujumbura du 29 au 31 mars 2017. Le professeur Kazihise Pierre Claver, président du comité de pilotage de cette 6e conférence, estime que l'exposition des produits de santé sera très bénéfique. C'était ce mercredi lors d'un atelier média. Cette conférence étant programmée du 29 au 31 mars 2017, il fallait absolument d'abord contacter les professionnels des médias pour que ceux-ci aident à répercuter l'information, pour informer le public qu'effectivement cette conférence aura lieu, que cette conférence est importante, que cette conférence va regrouper les scientifiques et les exposants qui proviennent de six pays, donc une conférence importante à laquelle il faut essayer de participer d'une certaine manière. C'est-à-dire, pour ceux qui participent dans leur côté scientifique, qu'ils puissent participer, et ceux qui effectivement peuvent également faire une exposition, qu'ils puissent également participer, profiter de l'opportunité de cette conférence pour que les Burundais puissent aussi montrer leurs produits en rapport avec la santé, notamment les médicaments, les équipements, nos médicaments traditionnels et autres. Il faut comprendre l'importance de cette exposition parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de monter des produits non pas seulement à des gens de Bujumbura, non pas seulement à des gens du Burundi, mais des gens de l'Afrique de l'Est. Ça veut dire des gens de six pays. Ça veut dire ce qu'on a exposé ici à Bujumbura va être connu jusqu'à Nairobi, va être connu jusqu'au Sud-Soudan, va être connu en Ouganda, va être connu en Tanzanie. C'est extrêmement important quand on veut vraiment élargir son marché. Dans la suite de ce journal, des intérêts de certains individus peuvent être mis en avant quand vient le moment de modifier la Constitution. Selon Fotin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, toute modification tiendrait compte de l'article 299 qui privilégie la réconciliation et la cohésion du peuple burundais. Il s'exprimait lors d'un point de presse qu'il a animé ce matin. Pour certains esprits égarés de la classe politique, quand une telle possibilité est là, il devient une occasion de déployer tous les talents et manœuvres pour glisser ou ôter des articles dans le simple objectif de protéger des intérêts de groupes des gens au détriment des intérêts nationaux. Toute modification qui doit être faite à la Constitution devra d'abord avoir comme ligne rouge l'article 299 qui dit qu'aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie. Et nous devons intérioriser encore une fois que notre Constitution a des origines spéciales, en l'occurrence l'accord d'Arusha. Tous les articles contenus dans l'accord d'Arusha, on ne devrait pas y toucher. Faustin Dikoumana pense que certains organes devraient accomplir leur mission et mettre de côté les privilèges de juridiction. Suivez encore une fois Faustin Dikoumana, dont les propos ont été recueillis par Alida Daïkez. Nous avons besoin d'une justice indépendante, d'une lutte effective contre la corruption. Au moment de la tenue des états généraux de la justice, il y avait des recommandations pertinentes allant dans le sens du renforcement de l'indépendance de la magistrature qui avait été arrêtée, mais qui se heurtait à certaines causes constitutionnelles, notamment la solitude du constitutionnel de la magistrature, le statut de la Cour suprême, certaines privilèges de juridiction, certaines autorités qui échappent à la Cour et au parquet, puis à la Cour anticorruption. Et aussi, PARSEM reste sur le qui-vive pour savoir pourquoi certaines organes de la Constitution ne sont pas mises en place alors qu'ils ont une importance capitale, notamment la Haute Cour de justice. Pourquoi on ne met pas sur pied le Conseil national pour l'unité et la réconciliation, alors qu'il doit donner régulièrement, annuellement, produire un rapport public soumis à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement et au président de la République. Il y a l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pourquoi cet organe n'est pas opérationnel alors qu'il doit aussi produire annuellement un rapport aux autorités, à l'Assemblée nationale ou au public? Il est 13h05 à Bujumbura. Si la pluie ne tombe pas suffisamment, le risque est imminent d'avoir un problème d'électricité dans tout le pays après le mois de mars. L'un des principaux barrages du pays, à savoir celui de Rwigura, a connu une baisse de niveau d'eau de plus de 9 mètres depuis le mois de mai dernier. Ce barrage, qui devrait produire 18 MW, n'en produit que 4 aujourd'hui. De surcroît, l'électricité qui provenait de la centrale de Rusizi 2 en République démocratique du Congo a aussi connu une baisse de 4 MW, comme l'a expliqué le directeur général de la Régie des Eaux au cours d'une visite du barrage de Rwigura ce mardi, Aubin Niyonkuru. Si rien n'est fait, nous allons retourner à l'époque où nous serons obligés d'utiliser une bougie. Le directeur général de la Régie des Eaux explique que le niveau d'eau du barrage de Rwigura a chuté de plus de 9 mètres. Jéroboam Nzikobanyanga explique que cela a été causé par une faible pluviométrie. Vous voyez ici où nous sommes, la Régie des Eaux utilise à 99% l'électricité en provenance des centrales hydroélectriques. Alors où nous sommes, la pluviométrie a été mauvaise. Ici où nous sommes à Gwegura, la descente de ce lac se chiffre à 9,56 m. Ici où nous sommes dans le lac, là où vous voyez les pieds là qui ont une couleur un peu blanche, l'eau arrive jusqu'à ce niveau. Donc l'infrastructure que vous voyez là, si au moment il y a une bonne pluviométrie, l'eau déborde. Maintenant, tous les centrales hydroélectriques connaît un problème de niveau d'eau qui a baissé. Aujourd'hui, ce barrage ne produit que 4 MW au lieu de 18, explique toujours le directeur général de la Régie des Eaux. Jéroboam Nzikobanyanga indique que l'électricité en provenance de la République démocratique du Congo a aussi baissé. Ce barrage de Gwegura, qui devrait donner normalement 18 MW, alors je vous parle, il ne donne que 4 MW. Et à 22h, nous sommes obligés d'arrêter complètement toute la centrale pour que au moins le niveau d'eau puisse augmenter, pour qu'on puisse avoir ces 4 MW à partir de 6h du matin. Alors, même l'électricité qui provenait de la République démocratique du Congo a baissé parce que la Russie 2, normalement, la ville de Bukavu, il y a les débris qu'on jette dans le lac, et puis on est obligé de faire le dégrillage deux fois par jour, alors que dans le passé, ça se faisait une fois par semaine. C'est pourquoi, au courant de la journée, vous voyez des coupures intempestives. Certaines des solutions alternatives à ce problème ne sont pas à court terme. Parmi elles, il y a les projets de construction du barrage Jiji-Murenge ainsi que la centrale solaire récemment inaugurée à Gitega par le ministre de l'Énergie. Pour le barrage de Jiji-Murenge, il pourra être fonctionnel en 2021. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit, Innocent Dereimana, un policier du commissariat provincial de Ngozi, a été arrêté ce mercredi matin sur mandat du procureur général près la cour d'appel de Ngozi. Selon les sources policières, ce policier est poursuivi sur le dossier relatif à la récente attaque du camp militaire de Muyinga. Selon les mêmes sources, Innocent Dereimana est déjà arrivé à Muyinga. Il a été acheminé par le commissaire provincial de police à Ngozi pour la poursuite des investigations. Et 12 personnes originaires des provinces Cibitoke et Ubanza seront dans les mains de la police de Burambi en province de Rumonge depuis ce mardi matin. Elles ont été appréhendées en zone Maranvia et sont poursuivies pour destruction de l'environnement dans l'extraction illégale de l'or, une activité dont elles n'avaient pas l'autorisation selon les défenseurs de l'environnement et les autorités policières dans la région. Jean-Pierre Misago. Dans la vallée de la Ruzibazi, en zone Maranvia, où ils venaient de passer près de 2 semaines, ces personnes à la recherche de l'or, selon leur dire, ont été attrapées avec pioche, pelle, petite casserole, selon OPS 1 Indonésien Mandrakiza, commissaire provincial de police à Rumonge. 9 sont originaires de Cibitoke et 3 autres originaires de Bubanza. Selon le commissaire provincial de police à Rumonge, les autorités administratives et policières n'étaient pas au courant de la présence de ces hommes dans cette localité. L'administration à la base qui les hébergeait l'avait gardé top secret. Melchior Munama, responsable des aires protégées à Rumonge, informe qu'une quelconque extraction des minerais doit être précédée par une demande d'autorisation au ministère de l'énergie et des mines et celui ayant l'environnement dans ses attributions. À part les fosses creusées sur les rives de cette rivière, la rendant sale et partant, salissant le lac Tanganyika où elle se jette, ces personnes étaient sans autorisation. Le commissaire provincial de police à Rumonge informe qu'elles subissent un interrogatoire sur le motif de leur présence à Burambi pour ensuite être traduite en justice. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge, nous nous rendons à Ruyigi, où les activités commerciales ont été perturbées ce mercredi matin au marché du chef-lieu de cette province. Les commerçants y exerçant n'ont pas ouvert leur stand sur mesure de l'administrateur de la commune Ruyigi. Ces derniers ont en effet refusé de se plier à la hausse du loyer des stands versés à l'association Sogemaro des actionnaires de ce marché. Ces commerçants demandent qu'il y ait concertation puisqu'ils ont remarqué que cette association privilégie ses intérêts uniquement. Les détails avec notre correspondant Jean-Claude Nchimiriman. Les commerçants opérant dans des kiosques, échoppés et même dans les hangars qui paient mensuellement les frais de location à la Sogemaro sont ceux qui n'ont pas ouvert les portes ce mercredi. Conséquence, même les vives frais et secs directement vendus par les producteurs ont été d'abord étalés en dehors du marché, en face des portes d'entrée au dit marché. Ces commerçants disent qu'ils ont obéi à la décision de fermeture de ce marché prise ce mardi par l'administrateur de la commune Ruyigi, avec pour motivation le rejet par les commerçants des nouveaux contrats bail proposés par la Sogemaro. Selon ces nouveaux contrats, les frais de location des stands ont connu une augmentation qui varie de 50 à 100%. À titre d'exemple, les places de vente de sel dans les hangars, dont les frais de location étaient à 3 000 francs, sont actuellement portés à 6 000, Ceux d'un kiosque qui étaient à 10 000 sont actuellement portés à 15 000 francs et ceux d'une échoppe qui était à 24 000 sont portés à 30 000 francs burundais. Les commerçants expliquent qu'ils ont refusé de signer de nouveaux contrats-bail puisqu'ils jugent que cette augmentation unilatéralement prise est très élevée et demandent d'être associés dans la prise de toutes les décisions en rapport avec les frais de location au dit marché. Pour Jérémy Nyandui, représentant provincial des commerçants, il serait mieux que ce marché soit rétrocédé à la commune, car celle-ci pourrait considérer les intérêts des citoyens dans la prise de toutes les décisions. À la Sogemaru, l'on indique que ce sont les commerçants qui ne payaient pas régulièrement les frais de location qui manipulaient les autres pour qu'ils rejettent tous ensemble cette augmentation des frais de location des stands. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Jean-Claude Nshimirimana, la ligne téléphonique n'était pas bonne, on l'a entendu. Il pleuvait abondamment à Ruyigi, comme il nous l'a dit. Les responsables de la province de Karoussi s'indignent contre la vente des cultures avant la récolte. Ils demandent à la population un peu de retenue pour faire face à la disette qui sévit dans cette province. Blaise Pascal Kararoumié. Certains des cultivateurs des différentes localités de la province de Karoussi vendent actuellement leurs champs avant la récolte. Ils expliquent que cela fait suite à la disette. À Rouguiza de la commune Nyabikere, les commerçants sont en train de distribuer de l'argent aux cultivateurs à raison de 200 francs par kilo de lésine, alors que la récolte est attendue au moins au mois de mars. C'est le même cas à Bivara de la commune Mutumba, là où l'on trouve en abondance aussi cette culture dans la province, où l'argent est aussi en train d'être donné en avance entre 200 francs et 250 francs par kilo, alors que pendant la récolte, un kilo se vendait à 500 francs à la même période. Dans la plupart des localités de la province, cette vente avant la récolte et même la vente des pieds de culture concerne actuellement le maïs. Les commerçants n'hésitent pas d'acheter des champs de maïs et d'autres distribuent de l'argent à raison de 200 francs ou 300 francs par kilogramme de graines qui seront données après la récolte. Le cabinet du gouverneur, dans plusieurs réunions que le gouverneur et ses conseillers viennent de tenir à l'intention des intervenants du développement et de tous les responsables administratifs et policiers, ils demandent que cette pratique de vente de culture au pied et avant la récolte soit directement arrêtée. Le gouverneur demande à la population de Karoussi d'en faire de retenue pour faire face à cette disette. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en Russie, la conférence d'Astana s'est achevée hier avec accord Russie-Turquie-Iran pour consolider le cessez-le-feu de décembre dernier. Et en Gambie, le président Adama Barrow veut maintenir la mission de la CDAO pour des raisons de sécurité. Et le 28e sommet de l'Union africaine s'annonce à Addis Abeba avec les élections à la tête de la commission réforme et retour du Maroc au sein de l'Union. Le point avec Alain Désiré Boukayenez. En Éthiopie, le 28e sommet de l'Union africaine débute ce mercredi avec le 30e conseil exécutif qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Même si aucune décision d'envergure ne sera prise avant la réunion des chefs d'État les 30 et 31 janvier, les différents dossiers sensibles seront abordés. 33 ans après avoir quitté l'OIWA, devenu Union africaine, le Maroc s'apprête à réintégrer l'organisation panafricaine. La démarche marocaine s'est accélérée le 20 janvier cette année par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine, préalable à l'adhésion du royaume à l'organisation. Lors de ce sommet, il sera également question en rapport avec les élections à la tête de la commission pour remplacer Rossazana Dramini Zuma. En Gambie, le président Adama Barrow a demandé le maintien de la mission de la CDAO pour une durée de 6 mois. Avec le départ de Yahya Jammeh, la CDAO étudie comment prolonger ses forces sur terrain afin de soutenir l'installation du nouveau gouvernement en toute sécurité. Comme le poursuit le site de la RFI, la priorité d'Adama Barrow est de stabiliser le pays. Une fois le mandat de ses troupes redéfini, la CDAO serait même prête à proposer un programme de formation pour les forces de défense gambienne. En Russie, la conférence d'Astana s'est achevée hier avec une déclaration tripartite Russie-Turquie-Iran pour créer un mécanisme de mise en œuvre et de surveillance du cessez-le-feu en vigueur en Syrie depuis le 30 décembre. ni le gouvernement syrien, ni l'opposition armée ne sont signataires du texte. Selon le site de la RFI, les trois pays ont annoncé la mise en place d'un mécanisme trilatéral de supervision de la cessation des hostilités. Pour le reste, ils insistent sur la séparation entre opposition armée et groupes terroristes et soutiennent les discussions politiques qui auront lieu le 8 février à Genève. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Un bon après-midi.